Mangela jan mwen mama Ba mwen bote jan Ou apeti ye Ba mwen bote jan Sere lo bey la mama Ba mwen bote go Mangela jan mwen Ou apeti ye mwen Sere lo bey la Ou baba mwen ni Mangela jan mwen Ou apeti ye mwen Sere lo bey la Ou baba mwen ni Ou mangela jan mwen sa kap gade ou la ou ta posede l so ta bezwen anko oh anye pase sa nan pwen se pa ekzanp li ta mande ou koto wap travay so ta dil belambi belambi belambi se pa ekzanp li ta mande ou ki servis ou fe so ta dil servis de nuit de nuit de nuit fe e se pa aza li ta di ou ki jon fe vin piti kon sa so ta repos mais son question de tout la nuit la Pas de nom de nuit, Rechef. Pas à dormir, Rechef. Une tourne au crayon, la taille toute la nuit. Ah, gardez non, si Dieu soit fait comme ça. Ou bien jouette dans mon bois, puis mon passé, ça l'avait dit ça. Jouette là dans mes mains, c'est pour qu'elle va vivre, jouette là. Pas de nom de nuit, ou maman, pas à dormir, une tourne au crayon, la taille toute la nuit. C'est vrai, oui. Je regrette dans l'école ça. J'en ai fait ton crayon dans mes mains. Et puis on va me faire papier tout noir. Et puis après, je vais écrire. Mais pour la petite bout de la crétant. C'est vrai, oui. Je regrette ma vie. Je regrette ma vie. C'est vrai, oui. Je regrette ma vie. Je regrette. Tout le temps, nous avons mon crayon. Papier de crayon, on fait papier noir. Crayon fini, je dis bout de la crétant. Je regrette. Je regrette ma vie. Je regrette, oui. Regrette, regrette ma vie, regrette, regrette, regrette ma vie.